Descobertas. Descoberta. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h10 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes bien sur l'onde 96.fm, mais vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Et tout au long de ce programme, on parlera aussi de la fête que Radio Arc-en-Ciel va organiser le 5 novembre avec Os Irmãos Verdades. Donc il y aura plusieurs titres dans ces deux heures-là. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous le font savoir. Surtout, ne changez rien, restez bien sur le 96.2 FM Radio Arc-en-Ciel. Canseira. Só nas festas do melhor volta de pouco, meu amor, para estar até domingo só contigo. Sexta-feira à noite lá vou eu ir com quem me ama. Sexta-feira à noite tudo meu. Et voilà, on va commencer tout de suite avec une chanson de Fernando Martins. Fernando Martins, que vous connaissez tous, qui est de notre région là. Donc c'est un nouveau travail qu'il a fait là. Il a fait quelques chansons là. Donc j'en ai trois à passer aujourd'hui là, que je vais pouvoir vous faire écouter. Et on va commencer tout de suite avec une qui s'appelle Quer Falar Com Ela, donc de Fernando Martins. On écoute. Quero falar com ela. sentado numa praça, sem ninguém para me amar. Não pareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e em cima de mim jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero casamento, para não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero casamento, para não te ver solteira. Eu estava muito triste, sentado numa praça, sem ninguém para me amar. Apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: eu estou sentindo meu coração palpitar. Oh, você que é solitário, mas te digo o contrário, eu não quero te amar. Sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho e em cima de me jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, me chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Oh, mulheres apetitosas, com elas roça roça e a música a bombar. Bateram à porta e eu fui abrir. Fiquei corado, quase a explodir. Tão poderosa que mulherão foi pancada. Apertadinho, chamando-me amorzinho, ela queria mais. Naquele momento ela pediu e toda a gente dali saiu. Foram embora e ela ficou no quarto alugado a fazer amor. Abriu o quarto à minha ex, ex, ex. Ela entrou louquinha e pediu mais uma vez. de lidar. Fico sem jeito, só por te beijar. Esse teu jeito que me faz delirar. Fico sem jeito, só por te beijar. Ai, quero te ver. Quero te dar. Seu desejo sou eu, acredito. Toda

paixão que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar, sempre sonhar. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. C'était Johnny Abreu, Eu Acreditei. Et on continue avec os Irmãos Verdade. Le titre c'est Yolande. Donc Irmãos Verdade, encore une fois, vous, je pense que vous commencez à le savoir. Donc Irmãos Verdade qui seront avec Radio Arc-en-Ciel le 5 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et c'est un événement organisé par Radio Arc-en-Ciel. Et bien sûr, il y aura le groupe Capa Negra pour vous faire danser toute la nuit. Donc, on écoute Irmãos Verdade, Yolande. Yolanda, Yolanda, Yolanda. Oh, Capa Negra, sempre à Bombard. Donc Capa Negra qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 5 novembre à la salle des fêtes de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Et on continue avec Lucas et Matt Junior, Obrigado. Mano, ainda tento entender a maneira que eu te perdi. Olho do meu lado e não te vejo, mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui. Pai, vou te guardar pra sempre em mim. Teu amor é uma luz que não tem fim. Vou seguir os teus ensinamentos. Você foi um grande ser humano, um grande exemplo. Faz teu cheiro, eu abraço teu olhar. Mas agora estás com Deus e um dia a gente vai se encontrar. Foste importante à nossa gente, como que adora o nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol voltou a renascer. E o que agradeço, jamais te esqueço, eu vou amar-te sempre até morrer. Já sofri, já chorei na vida, mas tive coragem para lutar. Quantas vezes eu fiquei perdido e dormi como mendigo, sem nada para me aconchegar. Hoje eu quero agradecer por tudo, como é especial para mim Paris. Eu venci porque me deste o mundo, por isso agora eu canto para ti. Merci Paris, sou tão feliz, contigo o sol começou a brilhar. Foste importante para a nossa gente, como que adora o nosso Portugal. Merci Paris, canto para ti, contigo o sol. Eu vou amar-te sempre até morrer. Merci Paris. Entraste na minha vida como uma estrela vinda do céu. Sem ti andava tão perdido, quando o teu sol apareceu. Mudaste todos os meus planos, mudaste quase tudo em mim. Mais que mulher és o meu anjo, flor que faltava no meu jardim. Só mais uma noite, dá-me só uma noite para te poder abraçar, beijar, amar como até hoje. Só mais uma noite, apenas uma noite. E se o mundo acabar, sempre serás mais do que uma noite. Entraste na minha vida como uma estrela vinda do céu. Sem ti andava tão perdido, e és o melhor que aconteceu. Posso fazer mil promessas para ficar sempre aqui, e mil e outras conversas direm que só te quero a ti. Só mais uma noite, dá-me só uma noite para te poder abraçar, beijar, amar como até hoje. Só mais uma noite, apenas uma noite. E se o mundo acabar, sempre serás mais do que uma noite. Let's do it. junto ao altar. Vesti uma linda só para ti, para Deus nos abençoar. Mas tudo não passou de ilusão. Estou só e não te tenho comigo. Queria adormecer e voltar a sonhar contigo. Vestida de branco, tudo o que eu mais queria era o meu coração. Sonhei que ia casar, era a mulher mais feliz. Quando cheguei a teu lado, acordei em meu quarto, fiz-te ouvir o sim. Pourvu qu'il t'emporte, pa-da, pa-da, pa-da, pa-da, pa-da.

cabeça. Querem curtir, querem sair, querem dançar. Muitos maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar. Muitos maridos não sabem delas cuidar. Só pensam em futebol e para o café se emborrachar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo. É trigo, trigo toda a noite sem parar. Toda a semana trabalham, cuidam da casa e ainda sobra muita lenha para queimar. Elas estão cada vez mais cheias de brado e querem bater as asas, querem curtir e dançar. Elas estão cada vez mais cheias de brado e querem bater as asas, querem curtir e dançar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. Toda a noite sem parar. A linha quando canta quer galo. Se elas querem trigo, trigo eu vou dar. A linha quando canta quer galo. É trigo, trigo toda a noite. Eu e Ricardo Matos, trique, trique. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Et on continue avec Irmãos Verdade et Isabella. Et c'est demandé de Jérôme pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et pour sa maman. Eh oui, c'est immense, verdade. Isabelle a été demandée de Jérôme pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel et pour sa maman. Donc n'oubliez pas, le samedi 5 novembre à la salle Montition, le groupe immense, verdade seront avec Radio Arc-en-Ciel à la salle de Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Donc vous pouvez venir à partir de 21h, il n'y a pas de problème. Et là, on va continuer avec une chanson de Fran Martins, hein, ça fait partie de son nouveau album, et ça s'intitule « Unos amor está bangusado ». Donc on écoute Fran Martins. Toda sua. Vou beber de bar em bar. Vou achar na madrugada. Encontrar outra paixão. Esquecer a paixão errada. Vou viver a minha vida. Esquecer. Passou, só não quero é voltar, conviver com este amor. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero é voltar. Com este amor. E a culpa é toda sua. Vou beber de bar em bar. Vou achar na madrugada. Encontrar outra paixão. Esquecer a paixão errada. Vou viver. Esquecer o que passou, só não quero é voltar, conviver com esse amor. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou, só não quero. Quero respirar Lisboa, sentar-me numa dragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em pulgas para amar. De Bragança ao Alentejo, enorme este desejo de te reencontrar. festa, a dança, o sal e o baile rico, a Márcio mais rico, a festa não demora. E agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora, porque até depois da noite triste, o longo dia existe, esta nossa hora. A vontade que eu já tenho de te ver, as saudades de te poder abraçar. Quero respirar Lisboa, sentar na Madragoa, ver o Tejo correr livre para o mar. Tenho os lábios mais que prontos para sorrir, tenho o coração em fugas para amar. Em Coimbra fui estudante, vendedor, navegante, assim é meu Portugal. Já espreita ao meu redor. É tempo de viver a vida sem pudor. Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol raiar. Agora libertam-se as amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o baile rico, a Márcio o mais rico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora, porque até depois da noite triste, o novo dia existe, esta nossa hora. Amarras, afinam-se as guitarras, seguimos vida fora. Volta a dança, o sal e o baile rico, a Márcio mais rico, a festa não demora. Agora convocam-se as fanfarras, já se ouvem as cigarras, seguimos vida fora. Porque até depois da noite triste, o novo dia existe, esta nossa hora. beijar. Vou tentar ser eu ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar.

a batucada na noite quente de verão Zanzalém, negro tocava batuque na noite quente de verão Zanzalém, negro tocava batuque. Mulata bonita sorria para mim, eu na viola tocava assim. Mulata bonita sorria para mim, eu na viola tocava assim. Chamou a toda a pressa. Meti viola no saco, meti batuque na sola, saí correndo para o mato. Meti viola no saco, meti batuque na sola, saí correndo para o mato. Eu na viola tocava assim. Mulata bonita sorria para mim. Eu na viola tocava assim. Oui, c'est Fernando Martins, Mulata de Sanzala. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, il me pardonnera, mais moi, le portugais et moi, ça fait deux. Donc voilà, il est déjà 18h53 et je vois que notre ami Albino est déjà là. Il est en face de moi. Bonjour Albino, comment tu vas salut aujourd'hui? Salut Emmanuel, salut à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc fidèle au poste, hein, comme d'habitude, comme tous les vendredis. Ah bah comme toujours. Hein. Voilà. Je sais pas si toi tu comptes les émissions que tu as fait. Non. T'as quel numéro, tu sais pas. Non. Toi, ce qui compte, c'est le moment présent. Ouais, tu passes, voilà. Donc, tu passes les émissions. Alors, bon, c'est pas que je suis pas organisé, c'est que... Tu sais, quand je viens ici faire une émission, bon, comme tu sais, je fais partie aussi du conseil, donc j'en profite pour faire des petits boulots, tu sais, de la technique. Pendant vendredi dernier, on avait un petit souci avec, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois il y avait des chansons, des titres qui passaient mal. C'est le meilleur liste. En fin de compte, on travaille sur trois PC. Il y a un PC qui est, voilà, c'est pour le USB et tout ça, puis il y a le PC où il y a toute la bibliothèque de nos chansons. Ouais, qui est relié à un serveur. Hein. Voilà, c'est un serveur. Et ce serveur fonctionnait mal. Donc le son n'était pas top. Ça faisait déjà une semaine que ça durait et ça me travaillait. Donc toi, t'es là pour essayer de pallier à tous les petits problèmes. Ouais, quoi. Voilà. Après, il y a des rendez-vous aussi. Donc toi, j'essaye de faire tout en même temps. C'est vrai que c'est pas bien. Je le conseille pas aux animateurs de faire pareil parce que, mais bon, moi, c'est spécial, quoi. Je fais partie aussi du conseil, donc je dois aussi faire avancer les choses dans la radio. Et donc, j'en profite. Là, je passe mes musiques, je travaille, je reçois des gens. Donc voilà. je suis pas comme toi qui est très bien organisé. Moi, je fais plein de choses en même temps aussi. Hein. Donc je gère au même temps le Facebook pour avoir un lien avec nos auditeurs. Mmh. J'ai les invités qui sont ici présents. Actuellement, j'ai pas d'assistant, donc je suis tout seul et j'ai plusieurs invités. Ce soir, il y a le groupe Doug qui va venir. Donc trois membres du groupe qui vont venir ici. Ils vont jouer en direct, donc il faut gérer un petit peu tout ça. Après, il y a les photos, il y a plein de choses à faire. Donc c'est vrai que nous ici, on est multitâche. Hein, Radio Arc-en-Ciel, on est à la fois le technicien, on est à la fois la personne, l'archiviste qui va rechercher, qui rentre en contact avec les gens, qui anime en même temps, parce que la première chose c'est quand même animateur de radio, ouais, mais bien sûr. On fait plein de choses en même temps, c'est vrai. Donc voilà, moi donc, alors je suis technicien du tout, hein, mais bon, des fois les petits problèmes qu'il y a, j'observe. Alors après, bien sûr, quand c'est réparé, c'est pas toujours moi, hein, je m'informe, je demande, je me renseigne, j'ai des petits coups de fil. Maintenant, tu sais, depuis que je suis là-dedans, je commence à connaître des petits numéros, quoi, à moi, dans mon petit carnet. Il faut expliquer aussi que Radio Arc-en-Ciel, c'est pas une petite radio, hein, c'est vraiment. Non, c'est. Il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Mais il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui fonctionne mal, et puis on se retrouve un petit peu embêté. Donc toi, t'es là pour essayer de résoudre ces problèmes. Quand tu es du métier, tu sais tout de suite, tu perds pas de temps, tout ça. Mais quand tu es pas du métier, et puis voilà, on essaye de. Bon, actuellement, la radio, voilà, on n'a pas notre propre technicien. Donc on fait ce qu'on peut. Le plus vite qu'on peut aussi. Alors des fois, voilà, on s'excuse auprès de nos auditeurs. C'est vrai que des fois, le son, c'est pas trop net, et puis c'est pas surtout réglé aussitôt. Voilà. Mmh. Alors, faut savoir que quand l'information me vient à moi, donc je me déplace, j'observe, je viens voir, et comme je connais pas trop des fois, maintenant je commence à, voilà, j'ai des petits trucs, des petits repères, des trucs comme ça. Des fois, c'est simple, hein, les auditeurs nous écoutent, ils écoutent les émissions, ils voient qu'il y a un bruit, ou alors un son qui est pas normal. Alors déjà, il faut analyser, est-ce que c'est sur Internet, est-ce que c'est sur la FM, est-ce que c'est un problème d'émetteur, est-ce que c'est un problème de transmission jusqu'aux émetteurs, est-ce que c'est un problème sur Internet même, est-ce que il y a des box, il y a un tas de choses, et après, il y a le studio lui-même, c'est-à-dire si le studio il marche pas bien, bah le reste sera pas bon. Mais on peut très bien avoir un bon son sur la FM et pas sur Internet. Et inversement. C'est différent, voilà, parce que c'est deux trucs différents. C'est deux choses différentes. Toi qui connais bien la radio, t'as vu la salle technique, c'est pas une usine à gaz, mais bon, t'as vu tout ce qu'il y a. Donc des fois c'est des petites infos. Donc des fois c'est toi aussi qui, des fois, j'appelle Albino, tiens, j'ai ça comme souci, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On arrive à se débrouiller. Et c'est vrai que depuis maintenant un bout de temps, on peut pas dire qu'on a de gros problèmes. Il y a des petits problèmes, et c'est partout dans toutes les radios, hein, il faut bien le dire aussi. Sauf qu'il y a des gens dans les autres radios, nous, une radio associative. Voilà. On est des bénévoles. Il y a pas toujours des gens qui sont ici. Dans les autres radios qui sont professionnels, et puis où il y a beaucoup de gens, des techniciens qui font que ça, d'ailleurs. Hein. Oui, bah, Donc, forcément, ça se passe différemment. Je vais pas citer de nom de radio, mais bon, je suis en contact des fois avec un technicien de deux radios, d'ailleurs, qui des fois, il me donne des informations, je leur explique ça, il me dit, t'essaieras ça. Je fais, ça marche, bon, j'envoie un petit message, c'était ça. Les problèmes qu'on peut rencontrer, d'autres radios les rencontrent aussi. Donc, forcément, on peut s'aider. On a des bons rapports avec d'autres radios, ça fonctionne bien. Mais oui, j'avoue. Alors, des fois, on me dit, oui, tu parles pas beaucoup à la radio, tout ça. Je dis, oui, c'est vrai, je parle pas beaucoup. Alors, une fois, on m'a dit, tu parles pas beaucoup, mais tu passes de bonne musique. Continue comme ça. Bon, bah, écoute, moi, ça me va, hein. Pour moi, ça me va. Disons que, de toute manière, tu contenteras jamais tout le monde. Les gens, retrouvent ce qu'ils veulent, hein. Ouais, alors, on sait que, par exemple, ton émission, elle est orientée vers la population portugaise. Et les gens qui sont aussi les lusophiles, hein, parce qu'il y a aussi des Français qui sont passionnés de musique portugaise. Et en plus, la musique latine, en général, revient un petit peu. C'est vrai qu'avant, on connaissait pas trop. De plus en plus, il y a des musiques sud-américaines, des musiques espagnoles, des musiques portugaises. Et ça revient un peu. Donc, les cultures se mélangent. Et aujourd'hui, c'est bien d'écouter un peu de tout, hein. Voilà. Il y a pas si longtemps, il y a une petite dame âgée, parce qu'elle m'a dit son âge, mais bon, je vais pas le dire à l'antenne, pour nous féliciter. Elle nous écoute tout le temps. Et donc, j'ai dit, oui, vous êtes de quel coin au Portugal? Elle dit, non, mais je suis pas portugaise. J'ai dit, j'écoute, j'adore vos musiques, je ne comprends rien. Elle dit, je ne comprends rien, mais j'aime bien le son. Elle dit, j'aime bien. Mais je dis, écoutez, ça nous fait plaisir d'entendre ça, quoi. C'est, voilà, une dame qui écoute depuis longtemps. Elle dit, je comprends pas les paroles ni rien, mais la musique, elle est tellement bien, jolie, la musique. Ben, je dis, écoutez, si ça bouge pas comme ça, nous, ça nous fait plaisir. Donc voilà. Donc Albino, aujourd'hui, tu vas recevoir, bien sûr, des invités. Ouais, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 521. Et j'ai fait l'affiche, déjà, que j'ai postée depuis le début de la semaine. Donc c'est le groupe Douk qui va venir ici. Alors ce groupe est déjà venu Il y a quelques temps, je me souviens plus exactement, on va le retrouver, parce que moi, tout est fiché. Exactement. Donc, ils étaient venus, avant le Covid, et depuis quelques temps, donc, on les avait pas vus, et là, je les ai rencontrés à l'occasion d'un concert, et on a discuté ensemble, dit, il faut que vous reveniez, et en plus, c'était un duo à l'origine, donc après, il y avait aussi un percussionniste qui était pas venu à la dernière émission, et depuis, le percussionniste a changé, il y en a un autre qui est là, donc d'accord, on va le découvrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y aura du live, hein, donc avec un percussionniste. D'accord. Et puis, ça va faire plaisir tout, hein, voilà, à complet. Tes auditeurs. Ils vont être contents alors. Bah oui. Donc, non, mais voilà, Albino. Donc, faut savoir, c'est une émission que Mavrika, qui est tous les vendredis, et son il reçoit beaucoup de groupes. Et il a de la demande Là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient passer. Alors, ce que je propose aussi, vous êtes musicien, vous avez envie de proposer votre musique et faire une émission ensemble, hein, comme ça on la diffusera. Alors moi, je reçois les groupes en direct, les groupes et les artistes, hein, des fois des duos ou des solos même. Et après, forcément, je repasse aussi leur musique dans les émissions suivantes. Et il arrive aussi que justement, avec toutes les personnes que j'ai reçues depuis le temps, il y a des groupes qui sont passés une première fois, qui reviennent une deuxième fois, et on suit comme ça l'évolution. Et donc, c'est toujours du bonheur, quoi. Et puis nous, ça nous fait plaisir parce que ça fait connaître aussi notre radio. Tout à fait. Pas que pour la communauté portugaise. On est aussi une radio qui faisons la promotion des artistes. Voilà. Et justement, si vous avez un groupe, le mieux c'est donnez-moi une date, CD libre, je vous la consacre. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va venir, mais on n'arrête jamais de date. Et puis le problème, c'est que des fois, on se retrouve à la veille. Et puis, c'est là, je suis obligé de prendre le téléphone pour dire, voilà, au final, là, j'ai personne, qui c'est qui vient? Voilà. Mais on arrive toujours à se débrouiller. Ouais, non, mais à toi, je te fais confiance. Je sais que tes émissions, elles sont toujours pleines. Et puis alors, c'est surtout, toujours présent, ta fidélité, c'est bien. Ouais. Voilà, donc, je tiens à vous remercier. Toi et tous les autres animateurs, parce que c'est pas facile, hein. Moi-même qui essaye de faire du mieux que je peux, parce qu'une émission, normalement, ça se prépare à la maison. Faut savoir, on n'arrive pas ici, on met les musiques comme ça. Normalement, ça se prépare à la maison. Il y a des gens qui passent plus de temps que d'autres parce qu'ils veulent faire les choses mieux que les. Voilà, moi, je t'avoue que oui, je la prépare chez moi, mais je mets pas le même temps que toi pour préparer les tiennes. Donc, moi, je tiens à remercier tous les animateurs. Voilà, c'est tous des bénévoles. Des débutants, tout ça, et je sais que des fois ça plaît ou ça plaît pas aux gens, quoi. Mais bon, les programmes, ils sont variés, on peut choisir. Donc, il y en a pour tous les styles. Toi, c'est différent du mien. Mmh. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est ça. Et donc, nous, on est ouverts à tous les gens qui veulent venir. Et s'ils ont envie de faire partie de cette radio, qu'ils veulent faire des émissions, voilà, on arrivera à trouver un petit créneau d'horaire, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me disent, voilà, moi, il y a une chose que j'aurais bien aimé, c'est faire une émission de radio. Après, c'est un engagement aussi, hein. C'est-à-dire que quand on fait une émission de radio, on va le faire pendant 2 mois et puis après on laisse tomber. C'est aussi se dire, voilà, c'est ma passion, j'ai envie de progresser, de m'améliorer, et puis petit à petit de faire vraiment quelque chose. Et, c'est surtout le respect pour les auditeurs, quoi. Tout à fait. Les auditeurs qui commencent à s'habituer à cette émission, l'écoutent, et puis un jour ils viennent, ils disent, tiens, à partir de 19h, il y a Albino, je vais écouter, et puis merde, plus rien. Excusez-moi là, mais rien. Donc c'est vrai, ça, c'est pas on vient pas, quoi. Après, on peut avoir des empêchements. Oui, il y a des jours où on l'annonce à l'avance, hein, quand on n'est pas là. Voilà. Mais la plupart du temps, on l'annonce aussi à l'avance quand il y a des invités, justement. Voilà. Donc moi, voilà. En tout cas, je te remercie, voilà, d'avoir fait ce petit échange comme ça entre deux émissions. Bon, on va prendre l'habitude. Oui, voilà. Juste, je veux dire juste un petit truc. On n'en parle pas assez dans nos émissions, et même nous, on fait pas assez de pub. C'est que voilà, Radio Ciel, c'est une radio, voilà, que de bénévoles. Hein. On vit de nos publicités, des trucs comme ça, et aussi nos adhérents. Donc voilà, si vous voulez devenir adhérent à la radio, vous pouvez devenir adhérent, tout ça pour 20 euros par an. 20 euros par an, vous devenez adhérent de la radio. Et pour ça, pour tous les renseignements, vous pouvez appeler à la radio. Donc c'est je vais vous donner le numéro de téléphone, 0238 43 48 00. Ou 05 à la fin, je crois qu'il y a un autre numéro, je l'ai pas. Mais sinon, vous appelez à la radio de toute façon, ou alors même venir un jour voir un animateur, il vous donnera toutes les explications. Donc, n'hésitez pas. 20 euros par an pour vous, c'est rien, et c'est beaucoup pour la radio. C'est beaucoup, ouais, c'est pour que les radios comme nous puissent continuer. Voilà. On continue, ça voilà. Ça commence à devenir rare, des radios associatives comme la nôtre. J'ai fait les calculs, ça représente 1,50 euros par mois. C'est rien. C'est le prix d'un café, quoi, par mois. Donc voilà. Si vous voulez venir à la radio, adhérent de la radio, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, vous avez un numéro, c'est le 02 38 43 48 00, et je pense qu'il y avait aussi un autre numéro, si je le retrouve vous pouvez appeler aussi, je crois que c'est bougez pas, donc c'est le 02 32 en face de moi. Donc voilà, en tout cas, bah merci Albino, de et je te souhaite une bonne émission. Bah merci. Ah, voilà, et puis moi de mon côté, je vous dis à vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Je vous souhaite tous un bon week-end et un bon fin de semaine à tout le monde. Allez, bon week-end. Bon week-end à vous, Manu. Ouais. L'Association franco-portugaise de Jargeau vous invite à une soirée le 22 octobre à la salle polyvalente de Jargeau. Au menu, salade de gésier, rillon, bœuf bourguignon accompagné de ses pommes vapeur, fromage, salade et un délicieux dessert, tiramisu à la fraise avec son colis de chocolat. Soirée animée par l'orchestre Vintanilla qui vous fera danser jusqu'au petit matin. 25 euros par personne. S'adresser à l'association de Jargeau ou à tous les membres du bureau pour toute réservation. Réservation jusqu'au 16 octobre au 06 29 50 47 74. N'oubliez pas, le 22 octobre, l'association franco-portugaise organise sa soirée dansante.